Évagre le Pontique, au VIe siècle, a écrit « L'orgueil est le roi de tous les autres péchés ». Aujourd'hui, l'orgueil chez les chrétiens, c'est seulement considéré comme un petit défaut de caractère pas important. Jean-Nicolas Gros, milieu 18e, a écrit « Les vices spirituels sont ceux que Dieu déteste le plus ». Alors qu'est-ce que l'orgueil aux yeux du Seigneur, sinon une détestable ressemblance à Lucifer? Une sœur dans le Seigneur a écrit « L'orgueil, c'est le caractère même de l'ennemi. Ceux qui lui appartiennent en héritent. » L'orgueil est insidieux. Il entre dans le cœur comme un gaz invisible et inodore. L'orgueil est un esprit malin, qu'on se le tienne pour dit. Un esprit qui se colle au caractère. Il rend froid et rancunier. C'est dans les yeux qu'il est visible en premier. Les paupières hautaines à demi fermées, là, est une mimique typique. L'orgueilleux cache toujours en lui de la méchanceté quelque part. On ne peut pas être seulement orgueilleux. L'orgueil cache toujours derrière lui soit de la haine, de la rancœur, de la dureté, de la méchanceté sous une forme ou sous une autre. Ce qui m'amène à commencer notre sujet en décrivant la laideur de l'orgueil. Ésaïe 45:9. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. OK, vase parmi les vases de terre, voilà la définition que Dieu donne de l'homme. Si vous ne vous sentez pas très, très petit devant Dieu, c'est que vous n'êtes pas à votre place dans l'échelle de votre importance propre. C'est en étant humilié par la vie que l'on découvre son orgueil. Et combien il était laid. Mais celui qui n'a pas été humilié, que sait-il? Que sait-il de lui-même? C'est en étant humilié par la vie que l'on comprend la beauté de l'humilité. Dieu nous rend humbles également en nous faisant souffrir de l'orgueil des autres. C'est en étant humilié par les autres qu'on reconnaît l'orgueil en eux et qu'on ne veut pas imiter plus tard. C'est en observant les insensés que le sot devient sage, nous dit l'Écriture. Je crois que tous les êtres humains sont orgueilleux. Les gens tout à fait humbles n'existent pas sur la terre. Il n'y a qu'ici et là des personnes qui sont moins orgueilleuses que d'autres, c'est tout. Nous sommes donc tous tarés de ce péché. Mais les chrétiens trop orgueilleux se refusent à cette idée et se refusent à tout changement personnel. Ils aiment mieux appeler leur péché d'un autre nom, tel amour de la vérité, zèle pour la vérité biblique, le non compromis et blablabla. Appelez-le comme vous voulez, l'orgueil demeure quand même du sale orgueil aux yeux du Seigneur. Dieu voit clair. Peu importe le nombre de couches de peinture que vous avez mis par-dessus l'orgueil ou le nombre d'étiquettes saintes que vous avez plaquées, Dieu voit clair. Celui qui ne voit pas son orgueil en est aveuglé et lui donne toujours un autre nom. On donne un beau nom à ce qu'on aime et que l'on veut conserver. Ce que la chair ne veut pas changer est rebaptisé. Mais l'orgueil, même si on lui donne un nom saint, conserve toujours sa nature souillée. Hélène Vasseau a dit « L'orgueil rend laid toutes les vertus. L'humilité les illumine toutes, mais l'humilité nous les fait posséder toutes malgré notre grande faiblesse. » Fin de citation. Paul de la Croix, au 18e siècle, a écrit « Un grain d'orgueil suffit pour renverser une grande montagne de sainteté. » Bernard de Clairvaux maintenant, au 10e siècle, « Le 8e et dernier degré de l'orgueil, c'est de se mettre à la défense de son péché. » Alors ceux qui font ça, là, rebaptiser leur orgueil avec un nom saint, en sont pas à leur première étape, là. Ils en sont à la dernière. Ils sont très avant, la maladie est très avancée, là. Quelqu'un d'orgueilleux est, par définition, quelqu'un qui ne vit pas près de Dieu. Celui qui n'a pas été humilié jusqu'à l'humilité ne connaît pas le Christ de l'Évangile. Mais l'humilité favorise la compréhension de toute chose. Ne nous faisons pas compromis à nous-mêmes, mais reconnaissons la souveraineté de Dieu dans toutes les régions de notre cœur et faisons de la place au Seigneur en faisant la guerre à toutes les laideurs de notre chair. Pour entrer en communion avec Dieu, l'orgueil doit être brûlé et consumé. Nous ne pourrions pas supporter de vivre dans la même maison qu'une très belle femme, alors que notre visage serait hideux et défiguré par le feu, par exemple. Nous aurions honte. Ainsi, nous faut-il passer par le feu spirituel purifiant avant d'entrer dans la vision béatifique de Dieu. Nous ne supporterions pas son regard sur nous, il nous faudrait mourir. Être humble, ce n'est pas seulement se faire tout petit, mais c'est avant tout de savoir que l'on est tout petit. Jésus a dit « Bienheureux les pauvres en esprit ». Bienheureux, oui, bienheureux en effet, ceux qui se savent et se sentent pauvres spirituellement, car ils seront comblés par les révélations intérieures données par les fruits de l'esprit. Mais malheur à tous ceux qui se croient remplis de savoir et de spiritualité. Hélène Vasseau a encore dit « En reconnaissant notre petitesse, nous avons vaincu le malin qui cherche sans cesse à alimenter notre orgueil. L'aveu de nos manquements écrase notre ego. La confession de nos fautes nous sanctifie. » Une faute avouée devient donc une chair sacrifiée et sanctifiée. Auguste Sodreau, début XXe siècle, a écrit « L'orgueil et la vaine gloire engendrent beaucoup d'autres fautes. Saint Thomas énumère ainsi les filles de la vaine gloire, la jactance ou vantardise, l'entêtement ou attache à son propre jugement. » Fin de citation. J'en arrive à mon deuxième point, la grande bouche de l'orgueilleux. Maudit soit l'orgueil! La presque totalité de la chrétienté ont ce poison sous la langue en prêchant. L'humble trouve grâce au milieu de ses frères sans nul besoin de se recommander lui-même. Mais l'orgueilleux, qui est le plus méprisable des pécheurs, oblige celui qui en est taré à s'auto-proclamer constamment. L'orgueilleux se croit plus sage avec sa langue que 10 hommes humbles qui gardent le silence. L'orgueilleux possède une grande bouche. Il aime faire du bruit et se faire remarquer avec ses lèvres. Ceux qui les suivent sont généralement des hommes et des femmes aimant Jésus, mais à l'esprit faible et facile à dominer. La grande bouche d'un orgueilleux l'emporte sur le bon sens d'un grand nombre. Les ouvriers humbles devant Jésus ont également des gens qui les suivent. Ce sont généralement des personnes intelligentes, aimant Dieu, recherchant le fruit de l'esprit et poursuivant la perfection personnelle. L'orgueilleux poursuit les foules, mais le petit troupeau des âmes sérieuses poursuit les conducteurs humbles qui ressemblent à Jésus. L'insensé qui prêche haut et fort entraîne le monde après lui et brille comme le soleil pour un temps, mais le sage qui réfléchit sur les choses en silence ne brille pas. Le sage vit dans son cœur, l'orgueilleux vit dans sa bouche et sur sa langue. Mais le sage s'édifie, tandis que l'orgueilleux s'autodétruit. Là où l'humilité n'est pas dans notre vie, l'orgueil prend vite la place. L'orgueil prend toujours toutes les places vides. Les orgueilleux sont livrés de l'Église, et l'orgueil d'un berger est lui-même livré de son ministère. L'orgueil s'accompagne toujours d'une bouche pleine de remarques et de sarcasmes blessants. Ce sont eux que les psaumes appellent à plusieurs reprises les moqueurs ou les parasites moqueurs. Jean-Nicolas Groux a écrit « Il est ordinaire au chrétien qui n'a qu'une vertu superficielle de se moquer de celui qui est solidement pieux. » Dieu se sert des forts pour humilier les faibles et les rendre encore plus brillants de gloire devant lui. Leurs humiliations creusent les fondations d'une grande capacité à édifier. Dans beaucoup d'églises, ceux qui sont assis derrière la salle sont quelquefois plus grands que ceux qui sont debout devant. L'orgueilleux est souvent très sévère, mais être sévère, c'est renier sa propre humanité, et renier son humanité, c'est s'exposer à de grandes chutes. Dieu châtie ainsi sévèrement les orgueilleux parmi ses enfants. Quelqu'un a dit, « Les disciples d'Emmaüs ne parlaient que de lui et ne le voyaient pas. » Voilà l'état de cécité actuel de beaucoup de conducteurs spirituels. Se faire un nom dans les églises, c'est avoir un dossier criminel dans le ciel. Le père François Potté a dit « L'orgueilleux se moque complètement de ce qu'on pense de lui. l'orgueilleux est dans son monde. Dans son esprit, l'orgueilleux est la référence. Quitte à éliminer tout le monde autour de lui, l'orgueilleux dit « parce que je suis la référence, il faut que les autres le sachent et le voient ». En ce qui me concerne, si vous êtes l'ennemi de mon orgueil, eh bien, vous êtes mes meilleurs amis. Vous me ferez peut-être de la peine en me reprenant, et vous me ferez peut-être pleurer en me corrigeant, mais je vous aimerai. Si vous êtes les gardiens de mon humilité, ensanglantez mes oreilles, je vous aimerai. Et si je suis l'ennemi de votre amour-propre, alors je suis votre meilleur ami, car en blessant votre chair, je guéris votre esprit, je sanctifie votre cœur. Si vous attaquez mon orgueil, alors vous êtes les meilleurs amis de mon humilité et le gardien même de ma spiritualité, quelle qu'elle soit. Devant le Seigneur, il y a ceux qui reprennent trop souvent les autres. Ils arrachent plus qu'ils ne plantent. On peut pécher nous-mêmes à trop reprendre les autres pour les sanctifier, mais jamais à être trop repris soi-même. Le plus beau fruit de l'esprit s'élève en nous des cendres de nos pires faiblesses humiliées. Parlons maintenant un peu de l'amour-propre. La toute première réaction de l'orgueilleux face à la correction est toujours de se protéger lui-même. Il lève le bouclier immédiatement. Il est l'ennemi de sa propre sanctification. L'orgueil est une obsession. L'orgueil peut planter 1000 clous, mais il est incapable de reculer et d'en arracher un seul. Il peut blesser 1000 fois, mais ne reviendra jamais demander pardon une seule fois. Il fait 1000 corrections aux autres, mais lui-même n'en accepte jamais une seule. L'orgueil peut lui donner la force d'aller au bout du monde, mais il est incapable de revenir en arrière d'un seul pas. L'orgueil est certainement une grande force, mais une force qui nous pousse toujours dans la direction contraire de la volonté de Dieu pour nous. L'orgueilleux s'accompagne du péché de jactance. Le dictionnaire définit jactance comme étant « vanité qui se traduit par des propos pleins de suffisance ». En résumé, c'est prétendre, avec sa langue, à des choses qui ne nous appartiennent pas, qui sont trop relevées pour nous et pour notre compréhension véritable. Nous devons cesser de nous contempler et contempler le Seigneur. Le père Albin de Sigala, au début du 19e siècle, a écrit ce qui suit. Ce qui nous inquiète et nous préoccupe, c'est souvent l'amour-propre. Si la gloire est ce qu'il y a de plus beau au ciel, elle est sur la terre ce qu'il y a de plus grotesque. C'est le défaut des esprits faibles et des cerveaux mal équilibrés. La vaine gloire aveugle l'esprit et l'endurcit le cœur et rend stériles les œuvres. La vaine gloire est comme l'ombre d'un grand nom, mais le soleil, c'est le Christ. Fin de citation. Un ancien proverbe chinois va comme suit. Les bons conseils pénètrent jusqu'au cœur du sage, mais ne font que traverser l'oreille des méchants. C'est un fait remarquable. L'orgueilleux s'aime lui-même. Il s'aime comme il est. Il ne désire pas changer, mais il désire changer tout le monde à son image autour de lui. 2 Corinthiens 10, 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Alors, frères et sœurs, soyons prudents. Ne reconnaissons pas d'autorité sur nous à tous ceux qui réclament en avoir. N'en accordons seulement à ceux sur qui la main de Dieu repose de façon évidente. Recevoir l'approbation des dirigeants de l'Église est certainement une très bonne chose, mais il ne faut pas oublier que peu importe le poste d'autorité qu'un leader peut occuper dans l'Église, sera-ce le plus haut dans la hiérarchie du gouvernement de sa dénomination, l'approbation de celui-ci ne pourra jamais avoir précédence sur l'approbation de Dieu dont témoignent la conscience, l'Écriture et le témoignage des autres chrétiens dans l'Église. De tout temps, depuis le commencement de l'Église, il y a eu des hommes qui ont été recommandés mais qui n'auraient pas dû l'être, et bon nombre qui ne l'ont pas été et qui auraient dû l'être. À ce propos, vous pourrez lire Ecclésiaste 10, 5 à 7, Osée 8, 4, Marc 10, 31, Apocalypse 2, 2. Ne vous y trompez pas, le ciel est conduit par le Seigneur, mais il a donné le gouvernement de l'Église à des hommes. Ce sont les hommes qui conduisent les Églises, pas le Seigneur. La parole déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Une autre traduction a rendu « Dieu résiste aux superbes ». Dans son royaume, il n'y a pas de place pour ceux qui portent leur don spirituel comme une fierté et l'orgueil comme un collier. L'humilité rend grand, l'orgueil rend petit. Dieu avertit inutilement l'orgueilleux, car il ne craint pas la justice de Dieu. Il fonde par prétention sa justification sur lui-même. Il fixe les propres termes de sa justification. Il se justifie de tout et il a réponse à tout. Le Seigneur dit un jour à Thomas et Merken, « Mon fils, ne vous offensez pas si quelques-uns pensent mal de vous et disent des choses qu'il vous sont pénibles d'entendre. Vous devez penser encore plus mal de vous-même et encore que personne n'est plus imparfait que vous. » Amen. Et moi, je pense que cette attitude-là nous guérit de toutes les mauvaises choses que les gens peuvent dire sur nous. Voilà comment l'humilité surmonte les calomnies avec victoire et gloire. Et Merken, réalisant sa faiblesse, répond au Seigneur ainsi, « S'il en était ainsi de moi, je serais moins troublé par la crainte des hommes et moins ému de leurs paroles malignes. » Nicolas Grou a écrit, « L'orgueil, en effet, est jaloux de sa propre excellence. Il met la meilleure partie de ses mérites à mépriser les autres. » Fernand Fortin, au siècle dernier, a écrit « L'humble de cœur est très joyeux. C'est du sentiment de sa propre impuissance que l'enfant tire humblement le principe de sa joie. Il s'en rapporte à sa mère. L'humble s'en rapporte toujours à Dieu. » L'orgueilleux possède la force rebelle de résister à l'Esprit-Saint qui lui parle à gauche et à droite par la bouche de ses frères et sœurs. Nicolas Grou, encore au XVIIe siècle, a écrit « L'orgueil seul nous empêche de bien vivre les uns avec les autres. Craignons le poison de l'orgueil, dont on ne se défie pas assez. L'orgueil et l'amour-propre sont nos vrais et seuls bourreaux. » Fin de citation. Alors j'ai observé que l'ingrat ne dit jamais merci, et l'orgueilleux ne demande jamais pardon. Ce sont des mots qui leur écorchent la gueule. Sundari a écrit « Les humbles dérangent toujours les orgueilleux. Il les oblige à se voir tels qu'ils sont. L'orgueil est un verre grossissant braqué sur les défauts des autres. » François de Sales, au XVIIe siècle, a écrit « L'amour-propre nous fait toujours ressentir les injures plus grandes qu'elles ne le sont. » En passant, je ne m'excuse pas de vous bombarder de citations anciennes. La littérature chrétienne ancienne, catholique, brille d'une clarté merveilleuse par les fruits de l'esprit qu'elle encourage. Je voudrais parler maintenant un peu du ministère de la première place. Si dans le monde, l'argent est la racine de tous les maux, l'orgueil est dans l'Église la racine de tous les nôtres. À vous, pasteurs, et à vous, serviteurs de l'Église, je dis, vous devez vous dépouiller de tout sentiment de supériorité sur le troupeau et paraître en forme de serviteur, comme Christ a paru dans le monde. Steve Green, dans sa chanson « Your grace is enough », a dit « En le royaume de Dieu, ce sont les faibles qui conduisent les forts. » Rappelez-vous, il ne s'agit pas de votre troupeau qui est sous la garde de Dieu, mais du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Ecclésiastique 10, 5 à 7 « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. La folie occupe des postes très élevés, et des riches, des sages, sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » L'autorité spirituelle est souvent inversée sur la terre. Le Christ a fondé l'Église, mais il en a donné le gouvernement aux hommes. Les assemblées ne sont pas des troupeaux de vaches à lait, faites pour vous engraisser, vous et votre famille. Donnez l'exemple, allez travailler, ne serait-ce qu'à temps partiel. Ne recevez pas d'argent si vous n'êtes pas dans le besoin. Les dîmes et offrandes appartiennent bibliquement aux pauvres. Si vous n'êtes pas pauvre, vous n'y avez pas droit. L'orgueilleux méprise le pauvre. Le pauvre le regarde avec des yeux tristes. L'orgueilleux regarde l'humble de haut. C'est la chair qui se croit supérieure à l'esprit. Quand l'orgueilleux gravit l'échelle de l'autorité, les humbles s'éloignent et se cachent. Philippiens 2, 7, 8. Mais le Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un simple homme. Émile de Rodate, au 18e siècle, a écrit « C'est surtout en sa qualité de victime que Jésus est notre modèle, et ce n'est qu'en le suivant sacrifié pour nous unir à Dieu que nous pourrons devenir ses véritables disciples. » Thomas Emerken, au 14e siècle, a écrit « C'est encore un sûr moyen pour conserver la grâce céleste que de fuir ce qui a de l'éclat aux yeux des hommes, de ne point rechercher ce qui semble attirer leur admiration, mais de travailler ardemment à acquérir ce qui produit la ferveur et corrige la vie. À combien d'hommes a été funeste une vertu connue et louée trop tôt? Que de fruits, au contraire, d'autres ont tiré de la grâce conservée en silence durant cette vie. » Fin de citation. Je veux maintenant parler à tous ces jeunes qui pourrissent littéralement la vie de leur pasteur dans l'Église. Allez-vous-en de cette Église avant de commettre un péché irréparable et dont vous aurez à souffrir amèrement plus tard en châtiment du Seigneur. Personnellement, quand j'étais jeune chrétien et que j'aimais le Seigneur de tout mon cœur, j'avais cru devoir prendre sur moi-même de tout changer dans l'Église ce que le pasteur ne voulait pas changer. J'étais devenu une vraie peste dans sa vie. Les jeunes chrétiens remplis de zèle pour le Seigneur, prenez le temps de m'écouter là. Les pires horreurs dans l'Église ont été commises par des gens qui avaient de bonnes intentions et qui aimaient beaucoup le Seigneur. J'ai appris à mes dépens que les bonnes intentions ne me justifiaient pas aux yeux du Seigneur. Plus tard, le Seigneur m'a livré à un esprit de dépression, des plus horribles, en punition d'avoir nuit à l'établissement d'une Église comme ça. Parlons de la soumission des jeunes aux anciens. 1 Pierre 5, 5-6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Hélène Vasseau a écrit « Ici, on voit clairement que la vertu de l'humilité de celui qui se proclame être de Dieu se constate par déduction dans son comportement même. Par exemple, dans la soumission aux personnes plus âgées que lui-même, plus âgées spirituellement, incluant toute personne habilitée à conseiller de par son expérience de vie, son cheminement spirituel, son parcours de vie, dont les années entraînent, de fait, plus de conseils que l'on peut bénéficier. » Fin de citation. Le respect vis-à-vis l'ancienneté, c'est ça l'idée. L'humilité prend place dans le respect de ceux qui ont vécu avant nous, qui ont suivi le Seigneur avant nous, qui ont marché avec Jésus plus longtemps que nous. C'est simplement une question d'ordre naturel. Pourquoi les jeunes chrétiens se rebellent contre ça? Ce n'est pas de la spiritualité, c'est encore une fois du sale orgueil, déguisé en zèle pour le Seigneur, avec l'étiquette de l'amour de la vérité. Ce verset sert de passe-partout et sert à justifier n'importe quoi aujourd'hui. Paul a écrit à Timothée, « Exhorte les jeunes gens à être modérés. » Les jeunes chrétiens ont beaucoup de zèle. Ils sont comme des jeunes chevaux qui sont encore indomptés. Les jeunes sont souvent immodérés dans leurs ailes et ils cherchent souvent à bousculer, à passer au-dessus de la tête de frères et sœurs beaucoup plus âgés qu'eux. C'est majoritairement dans la tranche d'âge de 25 à 35 ans qu'on les retrouve. C'est ce que j'ai remarqué dans ma vie, là. Mais il faut être patient avec eux. C'est leur amour pour le Seigneur qui motive leurs ailes, au fond. Leur fougue fait partie du caractère de leur âge. Le Seigneur s'en sert pour le mieux, mais attention que le diable ne s'en serve pas pour le pire également. Les jeunes doivent être avertis de ça, de ce danger-là. Ils sont beaux aux yeux du Seigneur, nos jeunes. C'est grâce à leur force que la meilleure évangélisation est souvent faite, que les églises se fondent et que de puissants groupes de louanges prennent naissance. Les jeunes sont idéalistes, mais est-ce un défaut de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'Église? Mais attention à la maladresse. Hélène Vasseau a dit « La soumission à Christ inclut dans ses effets la soumission aux pères, dont parle la Bible, les pères spirituels. Certaines cultures sont, à leur insu, tout à fait bibliques. Elles ont inclus la soumission et le respect des aînés dans leur tradition, car naturellement, ils ont trouvé cela sain et tout à fait approprié. Dans l'Église primitive, le respect des aînés était très présent. Je déplore que ces principes naturels, dont même le monde s'inspire inconsciemment, soient de plus en plus profanés dans l'Église, voire même moqués, mis au banc du niais et du ridicule. Il y a beaucoup trop de manque d'éthique dans nos Églises, et on se prive regrettablement de beaucoup de bénédictions. On voit beaucoup d'orphelins spirituels dans la maison du Seigneur, car ces derniers refusent bien souvent tout conseil. Bien sûr que je suis contre toute forme d'abus, mais l'insoumission d'un jeune dans la foi face à un ancien me fait penser à un mulet sans intelligence. C'est très moche à voir. Les vrais intelligents sont ceux qui pratiquent autant que faire se peut l'exercice de l'humilité. L'humilité parfume notre ministère agréablement vis-à-vis du Seigneur. » Fin de citation. Je vais encore faire pleuvoir sur vous beaucoup de citations. Jean-Nicolas Groulx, dans son merveilleux livre « À l'école de Jésus-Christ », a écrit « Tant d'âmes orgueilleuses qui, s'entêtant dans leurs idées, croient que Jésus-Christ les conduit, tandis qu'elles se conduisent elles-mêmes. » Grégoire de Nyssa, au IVe siècle. « Avant tout, il faut s'appliquer à trouver un bon guide et maître. » Basile de Césarée, au IVe siècle également. « C'est un grand orgueil de croire qu'on n'a pas besoin de conseils. Mettez tous vos soins et apportez la plus grande circonspection pour trouver un homme qui puisse vous servir de guide très sûr dans le travail que vous voulez entreprendre d'une vie sainte. Choisissez-le tel qu'il sache montrer aux âmes de bonne volonté le droit chemin vers Dieu. » Fin de citation. Saint Jérôme, au début du Ve siècle, écrivant à son ami rustique, lui dit « Ne soyez pas à vous-même votre maître, et ne vous engagez pas, sans docteur, dans une voie toute nouvelle pour vous. Autrement, vous vous égareriez bien vite. » Augustin, au Ve siècle, a écrit « Comme un aveugle ne peut suivre la bonne voie sans un conducteur, personne ne peut marcher sans guide. » Jean Climac, au VIIe siècle. « Ceux-là se sont laissés séduire, qui, se confiant en eux-mêmes, ont cru n'avoir pas besoin de guide, car chacun, se croyant rempli de l'Esprit-Saint, deviendrait un maître d'erreur pour lui-même. » Fin de citation. On entend souvent des jeunes chrétiens dire, « Bon, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui disent, « Moi, j'ai 10, 30 ans de ministère, etc. » Ils disent, « Le fait d'avoir fait tant d'années dans le ministère, ça veut rien dire. » Ils disent souvent ça, hein? Ça ne veut rien dire les années. C'est parce qu'ils n'en ont pas qu'ils disent ça. Mais en Actes 14, 23, regardez bien, suivez-moi. Là. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Alors, ça doit vouloir dire quelque chose, hein? L'âge. Le raisonnement de ces jeunes chrétiens là, que je viens de citer est déjà un raisonnement orgueilleux. Tite 1, 5, je t'ai laissé en Crète, afin que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et non que tu établisses des jeunes. Le mot grec qui a été traduit par « ancien » dans nos Bibles signifie « vieillard ». L'un des prérequis bibliques essentiels au ministère de pasteur est l'ancienneté. Les raisons en sont très simples. Hein? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, etc. 1 Timothée 3, 6. La deuxième raison, c'est qu'il faut de l'expérience pour gouverner sagement. Laissez-moi citer encore quelques textes. Les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter ces questions. Acte 15, 2. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Acte 15, 4. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Acte 15, 6. Il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Acte 15, 22. Et en passant par les villes, ils recommandèrent aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Acte 16, 4. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Acte 20, 17. Qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. 1 Timothée 4, 14. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. 1 Timothée 5, 17. Alors, arrivé à ce point, je pense qu'il est assez clair que les jeunes n'avaient aucune part aux décisions importantes de l'Église primitive, ni n'avaient part au gouvernement d'aucune Église non plus. D'où prend un nouveau sens les exhortations suivantes, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » 1 Pierre 5, 5, 6. L'arrogance est collée au caractère du jeune chrétien comme l'enveloppe du blé est collée au grain. Le jeune chrétien voudrait gouverner, et c'est exactement la marque qu'il n'est pas prêt à le faire. Le vieux chrétien, qui a pris conscience de toutes ses faiblesses, qui a du vécu, ne désire plus conduire personne. Il a perdu sa passion pour le pouvoir. Et voilà exactement ce qui le rend maintenant apte à gouverner excellemment. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Quand de jeunes croyants, remplis d'eux-mêmes plus que d'Esprit Saint, se lèvent, prennent toute la place avec une grande bouche, avec le grand pied, et qui, avec des regards hautains, méprisent l'ancienneté, méprisent le pasteur, l'expérience et le discernement, je dis qu'ils pêchent contre eux-mêmes et contre l'ordre établi du Seigneur, et ils pêchent contre l'Église même. C'est très dangereux, cela. Hélène Vasseau a dit, « Quelquefois, les jeunes disent la vérité, mais ils sont effrayants dans leur façon de le dire. » Toute la question là, de la soumission des jeunes aux anciens, c'est une question de prospérité spirituelle. Le jeune doit profiter au maximum de l'expérience des anciens pour grandir plus vite. Ils sont pas là pour nuire, ils sont là pour aider. Profitez-en. Voilà l'ordre établi par le Seigneur. C'est une simple question de bon sens et d'éthique chrétienne élémentaire. Un proverbe africain qui dit « Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. » C'est tellement vrai. Cependant, j'avoue que si beaucoup de jeunes manquent de sagesse, beaucoup de vieux ont perdu leur feu et leur amour pour Dieu. Les jeunes doivent apprendre à vieillir et les vieux qui ont mal vieilli doivent apprendre à rajeunir. Hébreux 5, 13, 14. « Or quiconque en est au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faite, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » La traduction parole vivante a rendu, c'est très intéressant, les adultes, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer le bien du mal, ce qui est sage de ce qui ne l'est pas, au fond. Un jeune pasteur me dit un jour, « Mais quand Paul était jeune, il a repris Pierre en Galates chapitre 2. » Mais c'est qui a dit que c'était un exemple à suivre, ça? Qui a dit que Paul a eu raison de le faire? Ne vous y trompez pas, frères et sœurs, c'est l'orgueil du jeune Paul qui l'a fait reprendre Pierre. Plus tard, Paul a imité Pierre. En Galates chapitre 2, Paul a repris Pierre parce qu'il se faisait l'ami des circoncis pour ne pas les scandaliser. Puis Paul lui a fait de terribles reproches à propos de ça, là. publiquement. Là. Il l'a repris devant tout le monde. Là. Il l'a humilié. Là, et... Mais plus tard, Paul s'est mis à imiter Pierre. Alors, il est revenu en arrière. Là. Pierre n'avait fait que se retirer de la table des païens pour ne pas être un scandale aux juifs chrétiens. Alors que Paul, plus tard, a fait encore pire, a fait bien pire que changer de table. Il a fait même circoncire Timothée pour faire plaisir aux Juifs, en acte 16.3. Alors apparemment, Paul a découvert plus tard que Pierre avait raison. Parce qu'il a écrit en 1 Corinthiens 9, 19-20, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Alors, il a fait exactement ce que Pierre a fait. Ce qui signifie que toutes les réprimandes que Paul a fait à Pierre, en Galates chapitre 2, eh bien, n'en tenez plus compte. Galates chapitre 2 n'est pas un exemple à suivre, mais un exemple à ne pas suivre. Paul avait l'arrogance de la jeunesse quand il a repris Pierre. Alors, tout ce qui est écrit en Galates chapitre 2 vient de tomber par terre. Sur Facebook, après avoir lu ce que des jeunes chrétiens écrivaient en méprisant l'ancienneté, une autre chrétienne plus âgée leur répond ceci. « À quoi cela sert-il de vivre et de vieillir, si ce n'est pas pour apprendre ce que l'on ignore quand on est jeune? » La sagesse a tout dit. Je sais que mon approche vis-à-vis de Paul semble nouvelle, peut-être pour vous autres, là, mais elle l'est pas. Hein. L'Ancien Testament regorge d'exemples où de vrais prophètes avaient plus d'un truc qui clochait dans leur vie. Là. Paul était un être humain comme nous, là, avec ses dons et ses défauts de caractère. Que ses lettres aient été incluses dans le canon des Écritures du Nouveau Testament ne fait pas de lui un homme infaillible et à imiter dans toute sa conduite. Là. Un seul a été parfait dans toute sa conduite, c'est le Christ. Le jeune Paul a traité les apôtres d'hypocrites en Galates chapitre 2. C'est pas rien, ça, là. Mais refuser de rendre l'honneur à qui nous devons l'honneur, ce n'est qu'orgueil et vanité. Mépriser l'expérience, c'est brûler d'avance la maison dans laquelle nous devrons habiter plus tard. Ce n'est pas être rempli de l'esprit, mais rempli de folie. Là. Évidemment, quand de vieux chrétiens qui n'ont jamais porté leur croix et jamais grandi exigent la soumission à leur laisser mourir, exiger le respect, ce n'est pas le mériter. Ceux qui exigent le respect n'en méritent pas. Les jeunes qui réclament avoir droit au respect, puis les vieux qui réclament une supériorité, sont tous inspirés par le même esprit d'orgueil détestable. Hein? C'est la passion du pouvoir. Qui va régner sur l'autre? D'où viennent les luttes de pouvoir dans les églises? La Bible nous le dit. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Jacques 4.1. Mon fils, donne-moi ton cœur, dit le proverbe. Donne-moi ton cœur pour que je l'enseigne, entre parenthèses. Philippiens 2, 5, 6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. La traduction Weymouth a rendu « Ayez les mêmes dispositions en vous ». La traduction Phillips a rendu « Que le Christ Jésus soit votre exemple en ce qui a trait à l'attitude que vous devez prendre. » Dans l'Église, il ne faut pas arracher le commandement. Il faut attendre qu'il nous soit donné naturellement par l'Assemblée. Si c'est une Assemblée qui fonctionne selon le Seigneur, ça va se passer comme ça. Quand vous allez être mûr, le Seigneur va ouvrir les portes. Si c'est une Église dont le gouvernement fonctionne à l'inverse des lois du royaume de Dieu, alors les portes vont demeurer fermées, Dieu va vous en ouvrir un autre en dehors du cercle où dominent les hommes. Les jeunes ne doivent pas regarder comme une proie à arracher d'être traités en égaux aux anciens, mais laisser le Seigneur les placer où il le veut, même si c'est à la toute dernière place. On n'est pas malheureux à la dernière place. Moi, ça fait des années que je suis là. Je pense que j'ai été assis là, toute ma vie, là, à la dernière place. Au début, ça fait mal. On finit par s'habituer. Puis on finit par découvrir que la gloire de Dieu est là. Thomas Emerken a écrit « Celui qui se soustrait à l'obéissance se soustrait à la grâce, car l'ennemi du dehors est bien vite vaincu quand l'homme n'a pas la guerre au-dedans de soi. Est-ce donc un si grand effort que toi, poussière, de te soumettre à l'homme lorsque moi, le Tout-Puissant, moi, le Très-Haut, je me suis soumis humblement à l'homme à cause de toi? Je me suis fait le plus humble et le dernier de tous, afin que mon humilité t'apprisse à vaincre ton orgueil. Poussière, apprends à obéir, apprends à t'humilier, à t'abaisser sous les pieds de tout le monde, apprends à briser ta volonté. Celui donc qui méprise le plus petit des miens n'honore pas le plus grand, parce que j'ai fait le petit et le grand, et quiconque rabaisse quelqu'un de mes saints me rabaisse moi-même et tous ceux qui sont dans le royaume des cieux. » Fin de citation. 1 Pierre 5:5 « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Les rapports mutuels parlent des rapports d'humilité et d'autorité, qu'ils soient ascendants ou descendants. Auguste Sodreau, il y a un siècle, a écrit « Dieu ne donne à l'esprit de l'enfant que de petites lumières et à son corps que des forces très limitées, afin qu'il ait besoin de ses parents et qu'avant de pouvoir se conduire et suffire à ses besoins, il commence par obéir. » Fin de citation. La seule verticalité qui soit spirituelle est dans le respect que les jeunes doivent avoir pour les croyants anciens et plus sages qu'eux. Ce qui est dans l'ordre naturel des choses est conforme à la soumission respectueuse que les enfants doivent à leurs parents. La rébellion provenant de l'orgueil, le désir de sotte égalité avec des frères et sœurs beaucoup plus âgés que nous, l'amour de l'indépendance, l'attachement tenace au propre jugement et à sa propre volonté poussent à l'insubordination, aux critiques, aux plaintes et aux murmures, mais l'esprit évangélique repose sur l'humilité, sur l'amour de la volonté divine. L'esprit évangélique porte à la soumission, au respect et à l'affection envers l'autorité. Ok, je m'adresse aux jeunes. Votre Église, là, aussi délabrée que puisse vous paraître, là, est peut-être la seule chose que Dieu possède dans votre ville pour rejoindre les gens pour le salut. Alors, ne la combattez pas sans des raisons extrêmement graves, ou c'est contre vous que Dieu s'en prendra. Oui, peut-être que l'Église mérite beaucoup de réprimandes, peut-être que le pasteur mérite beaucoup de corrections, mais si cette petite Église-là, là, c'est la seule petite lumière que Dieu a dans cette ville-là, là, vous êtes bien mieux de l'encourager. Bien mieux. Parce que Dieu, là, il trouvera pas ça drôle que tu tapes dessus. Le zèle des jeunes, là. Tu sais, taper sur tout, là, par débordement d'énergie, là. Est-ce bien là ce qu'on doit appeler le zèle, là, bibliquement, là? Il faut savoir retenir le zèle. Les personnes prudentes et sages sont aptes à diriger, voire même à commander. Alors que chez beaucoup de jeunes, là, même s'ils aiment le Seigneur très très fort, là, il y en a là que je leur confierais même pas une pomme à commander, là. Le zèle ne fait pas le droit. Laissez-moi vous lancer une phrase très poétique. Il y a une rivalité naturelle entre le rocher et l'eau. Reconnaissons que l'un et l'autre ont leur rôle à jouer dans le ruisseau. L'opposition entre ce qui est neuf et ce qui est vieux dans l'Église est nécessaire et doit avoir lieu. Cependant, Dieu demandera des comptes à ceux qui ont péché contre son Église. En conclusion, si nous avons construit une demeure pour l'humilité en nous, nous allons réaliser qu'il n'y a plus aucun réveil spirituel qui va être nécessaire pour nous. L'humilité est le chemin de tous les réveils. Saint Augustin a écrit « C'est l'orgueil qui a changé les anges en démons et c'est l'humilité qui change les hommes en anges. » Hélène Vasseau a dit « Je sais que l'orgueil est à la porte de mon âme et de toute âme. L'humilité est la simplicité. J'y exerce mon âme quotidiennement, car l'orgueil est un mal récurrent. » Fin de citation. L'orgueil, là, pourquoi toujours s'en défendre et jamais s'en accuser? N'est-ce pas prouver sa présence que de s'en défendre? N'est-ce pas la prouver encore que de ne jamais s'en accuser? Amen.